cours numéro 24. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa'akhadna fi darsina al-akhir, on a étudié ensemble dans le dars précédent, bab al-ta'arud. هذا الباب il est très très important. Aïe, إذا تعارض الدليلان, أي s'il y a une contradiction en apparence entre deux preuves, فكيف que الفقيه doit faire؟ وتقدم معنا أن التعارض لا يكون في النص الصحيح. أي il peut pas avoir de contradiction dans des preuves authentiques. لماذا؟ لأن القرآن c'est كلام الله سبحانه وتعالى et السنة c'est la révélation. كذلك ça fait partie de la révélation et il ne peut pas avoir de contradiction في هذا. لكن قد يقع شيء من التعارض بالنسبة للناظر. واحد il peut croire qu'il y a une contradiction ou il n'arrive pas à rassembler entre deux versets ou un verset et un hadith ou deux hadiths. فعلى كل حال cette remarque تقدمت معنا ولله الحمد. Comment on a lu كلام شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. واليوم le chapitre suivant qu'on va lire aujourd'hui بإذن الله سبحانه وتعالى c'est la suite. قال الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه الترتيب بين الأدلة. الترتيب c'est l'ordre. الأدلة c'est le pluriel de دليل أي l'épreuve. Après avoir cité rahmatullah alayhi des chapitres pour montrer les preuves reconnues dans notre din ay le Coran wa sunna wa al-ijma wa al-qiyas, thumma il a cité bab al-ta'arud, thumma huna il a cité at-tartib ay si un ta'arud pour toi, fa quelle preuve tu dois faire passer avant l'autre. C'est un bab muhim. Qala al-imam ابن القيم رحمة الله عليه وبالجملة فما كل من علم شيئا أمكنه أن يستدل عليه. Ça nous montre l'importance de connaître الأدلة, les preuves dans les مسائل, que ce soit le fiqh ou autre. Et كذلك ça nous montre l'importance de mettre ces preuves à leur place. فتأمل هذا الكلام قال فما كل من علم شيئا أمكنه أن يستدل عليه. كم من الناس يكونس par exemple un verset du Coran Karim ou un hadith, لكن ils n'ont pas la capacité de le citer en tant qu'argument. Beaucoup de gens مثلا يكونسوا سورة الفاتحة par cœur, بل والله الحمد المسلمون يكونس الفاتحة par cœur et الفاتحة فيها معاني عظيمة جليلة, لكن la plupart des gens ils ne peuvent pas citer des arguments من سورة الفاتحة. Ça nous montre qu'il y a une différence entre connaître le dalil et pouvoir l'utiliser en tant qu'argument. Ce qu'on appelle l'istidlal. Qala, wala kullu man amkanahu al-istidlal yuhsin at-tartib. Donc tu as trois choses. Tu as al-dalil, tu as l'istidlal et tu as at-tartib. Donc, بعض الناس يستدلون, ils citent comme argument certaines choses, لكن ils ont un problème في الترتيب. Ils ont un problème fitartib, à l'ordre. Ils font passer certaines preuves avant d'autres, alors que la méthodologie correcte, c'est pas comme cela. قال رحمة الله عليه يحسن ترتيب الدليل وتقريره والجواب عن المعارض. كذلك une autre chose, أن c'est pas tout le monde qui peut répondre à هذا التعارض. مثلا كثيرا العلماء ils sont interrogés sur le fait de comment rassembler entre ce hadith et ce deuxième hadith. لماذا لأن pour celui qui pose la question, celui qui interroge, il y a un ta'arud, il n'arrive pas à rassembler les deux hadiths, pour lui il y a une contradiction en apparence, il est obligé de revenir à Ahlul Ilm. Il est obligé de revenir à Ahlul Ilm pour pouvoir comprendre comment rassembler entre ce verset et ce verset. Qui en apparence il y a une contradiction pour certains, et تقدم معنا أن si c'est des versets du Coran الكريم ou si c'est des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiques, il n'y a pas de contradiction أبدا. هذا كلام جميل من مدارج السالكين. وهذا اسم من توفيق الله سبحانه وتعالى. أي كذلك faire des efforts في العلم, faire des efforts في الحفظ, dans la mémorisation, faire des efforts dans les دروس, la compréhension, et كذلك lire beaucoup et revenir au savant de la sunna, حتى الإنسان قليلا قليلا يتمكن من هذا, il pourra comprendre كلام أهل العلم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله كذلك في زاد المعاد, وأما حديثان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا. C'est pas possible كما تقدم معنا. Deux hadiths qui sont authentiques et qui se contredisent تماما أي dans tous les aspects. هذا c'est pas possible. لأن الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم sa sunna c'est la révélation. Et il a reçu la révélation min Allah al-alim al-khabir. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction. Aslan. قال ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. نعم, c'est pas possible هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم il se contredit. لماذا؟ لأنه il est appuyé par la révélation عليه الصلاة والسلام. قال والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتميز بين صحيحه ومعلوله أو القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه به ومنهما معا ومن هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع. لكن البروبليم يفين دو plusieurs causes. Pourquoi بعض الناس يفنس que certaines choses se contredisent, certains textes se contredisent et عياد بالله إما يرجتent, إما يفن des interprétations complètement fausses, إما يرند ضعيف des preuves authentiques. Ça vient de quoi هذا؟ أولا قال رحمه الله التقصير. On répète son كلام. قال والآفة أي le problème من التقصير في معرفة المنقول. أولا بعض الناس ils connaissent pas الأدلة. Il connaît un hadith ou un verset, il pense que ça contredit le peu qu'il connaît. هذا لا شك أنه c'est lui qui a des manquements. قال ومعرفة المنقول والتميز بين صحيحه ومعلوله. بعض الناس كذلك يبنس كاين كونتراديكسيون انتر لي تيكست اي في الحقيقه يا با دو كونتراديكسيون لان ان دي دو حديث سي اون برون اكزومبل دو دو حديث ان دي دو ايلي فيبل ايلي معل ايلي شاذ. لا شك ان حديث فيبل بو كونتردير ان حديث صحيح. لماذا؟ لان لو حديث فيبل اصلا سي با لو بروفيت عليه الصلاه والسلام كي ا دي سيت شوز. Donc, ça peut contredire la parole du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il se contredit dans une mas'ala, le même sujet, هذا, c'est pas possible. قال, أو القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه به. إما, بعض الناس, ils pensent qu'il y a une contradiction. لماذا؟ لأنهم, ils n'ont pas compris مراد النبي صلى الله عليه وسلم. Est-ce que النبي صلى الله عليه وسلم, il a voulu montrer, ils n'ont pas compris. Ils ont compris autre chose. Et cette autre chose, avec leur compréhension, elle contredit un autre texte. Là, c'est possible. Enfin, c'est quoi qui contredit le texte? Ce n'est pas l'autre texte, là. C'est la compréhension de cette personne. قَالَ أَوْ مِنْهُمَا مَعَنْ وَمِنْهُنَا وَقَعَ الْإِخْتِلَافُ وَالْفَسَادِ. نعم. À partir de ces points, ces causes, et vous avez remarqué que ça revient à, au manque de science, et أن الإنسان لا يعرف قدر نفسه. بعض الناس rentrent dans des choses, ils parlent dans des domaines alors qu'ils ne maîtrisent pas. Et la divergence et le mal, c'est venu à cause de ces points. والإمام الشاطبي رحمه الله قال في الموافقات لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم. Et كذلك vu que les savants الأئمة vu qu'ils sont pas معصومين كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله ils sont pas infaillibles, ils peuvent se tromper, ils peuvent oublier, ils peuvent ne pas comprendre tel texte ou mal le comprendre إلى آخره. فوقع عند بعض الأئمة شيء من التعارض. Et ça, ça arrive. Les savants, ils sont pas infaillibles. Et celui qui est infaillible, c'est le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. Et les autres prophètes, bien sûr. فهذا هذا كلام مهم pour détailler, ou pour plutôt éclaircir encore plus ce qu'on a vu dans le dars précédent, et qu'on a besoin de هذا dans le dars d'aujourd'hui. قال شيخ العثيمين رحمه الله الترتيب بين الأدلة. Donc si tu as compris أن قد يحصل شيء من التعارض Aïe pour le mufti, ou pour celui qui veut argumenter avec des preuves, il peut avoir une contradiction pour lui. Fahuna, labud mina tatbiq hadha albab. On doit comprendre ce chapitre et le mettre en application. Aïe al-adilla, il y a un ordre. Et si tu respectes cet ordre, tu verras qu'il n'y a plus de contradiction. À la base, en cela, il n'y avait pas de contradiction, là, ça peut arriver par rapport à nous, nos faiblesses. Et si on respecte Kalam, Ahlul Ilm, et on met en application ces règles, bi'idnillahi azzawajal, et yazoul al-ishkal wa ta'arud. Qala, idha attafaqat al-adillatu s-sabiqa, al-kitab, wa-s-sunna, wa-l-ijma' wa-l-qiyas, ala hukmin, aw infarada ahaduha min ghayri mu'aridin, wajaba ithbatu. Hada, c'est wadih. Si on a des preuves du Coran, de la sunna, on a l'unanimité, on a un qiyas, à la hukmin, on accepte bien sûr ces adillas. S'il n'y a pas de ta'arud, il n'y a pas de contradiction pour nous, là, je sais qu'on accepte toutes les preuves. Ah, c'est clair, il n'y a aucun problème. قال وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه قال وإن لم يكن أو إن لم يمك وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. هذا ما تقدم dans le درس précédent. Donc إذا حصل تعارض, la première chose qu'on doit faire, c'est le jama. On doit pas passer aux étapes suivantes si on peut faire le jama. Fa comme min al-nas, il pense qu'il y a une contradiction, et si tu demandes à un savant parmi les savants de la sunna, الجمع il est واضح. Il te dit il n'y a aucune contradiction, et tel hadith le sens c'est kada, et l'autre hadith le sens c'est kada, et tu appliques les deux, il n'y a aucun problème. قال وإن لم يمكن أو قبل هذا نعم وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. تقدم معنا أن بعض العلماء يدز tu commences par le tarjih, بعض العلماء يدز par le nasr, وهذا سهل. على كل حال شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال si tu peux pas faire le jam', on regarde. Bien sûr, quand on dit si tu peux pas, ça revient à Ahlul Ilm, tous ces points, bien sûr. C'est les savants qui regardent est-ce qu'ils peuvent faire le jam'. S'ils peuvent pas faire le jam', forcément, ça va être min bab al-nasikh wal mansukh. Si on peut pas le nasikh wal mansukh, il y aura autre chose comme on va voir. Fa'awlan, on commence par an-nasr. Bien sûr, in tammat shurutu. ومن أهم الشروط c'est de connaître التاريخ. Peut-être qu'il y a une contradiction. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا il a autorisé cette chose au départ. On l'avait vu مثلا نكاح المتعة, c'était autorisé au départ. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حرمه. Et on connaît la date. حرمها يوم خيبر كما جاء في الدليل dans certaines preuves. في هذا الحال on va appliquer al-nasikh wal-mansukh, اي le fait que النبي صلى الله عليه وسلم il a dit c'est autorisé, ثم il a dit c'est interdit, et on connaît al-tarikh, on connaît la date, le temps. ففي هذا الحال on dira que النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit ce qu'il avait autorisé, c'est من باب al-nasikh wal-mansukh. قال وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. Si العلماء ils peuvent pas faire le jama' aslan, ثم c'est pas min bab al-nasikh wal-mansukh. Al-nasikh wal-mansukh c'est ce qui est abrogé, l'abrogeant et l'abrogé. ففي هذا الحال la troisième étape, لابد من ترجيح. لابد من ترجيح, avec des règles que علماء الاصول والقواعد ils ont cité. Et هذا كما تقدم c'est min ahamm al-abwab. Wa illa fal'iyadu billah. بعض الناس ils acceptent certaines parties de adillah, ils rejettent d'autres. Il rentre halal telle chose en prenant ce dalil, là où on vit à une époque, Wardanas, même une partie d'un dalil. Et peut-être cette partie du dalil, c'est un dalil wa'alif. C'est une moussiba. Pourquoi? Le fait de répondre aux questions, le fait de dire telle chose c'est halal ou haram, telle chose c'est autorisé ou non, ça revient au savant de la sunna, ça revient pas à n'importe qui. Et ulama al-millah, bien sûr, comme ça y est, inshallah, dans le bab suivant, le mufti ou le mustafti, ils connaissent ces règles. Ben, c'est des savants. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent ce genre de points. Contrairement à l'ignorant, au muqallid, celui qui suit aveuglément. قال وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. ثم Rahmatullah, il a cité At-Tartib. Aïe, At-Tardih, ça veut dire quoi? At-Tardih, ça veut dire faire passer une preuve par rapport à l'autre. C'est ça, At-Tardih. Tu as deux adillah. Il y a une contradiction en apparence. Les ulama, ils ont cité des règles, vu qu'il n'y a pas de contradiction, aslan, pour faire passer telle preuve avant celle-là. Fahala qawluhu at-tartib. C'est par rapport au tarjih. Il y a des étapes à suivre. La première, qala, fayurajjih min al-kitab wa sunnah an-nass ala al-zahir. An-nass ala al-zahir. Ça, c'est le premier point. Cheikh Mouazemine, rahmatullah alayhi, dans son charh, il a cité des ta'arif tayyiba, des définitions simples et des exemples. فنقرأ من الشرح. قال رحمه الله. On est في شرح شيخ ابن العثيمين, la page 627 de هذه النسخة. قال والفرق بين النص والظاهر هو أن النص لا يحتمل غير المنصوص عليه والظاهر ما يحتمل غيره. النص c'est le texte. Un texte clair. Maintenant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de ne pas faire telle chose. C'est un nos. Tu ne peux pas comprendre autre chose. Al-Zahir, tu vas comprendre une chose, ou yahtamil une autre chose. Avec l'exemple, ça va être plus clair. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, mithal dhalik, zakatul huli, warada fiha hadith khas, ay un nos. وورد فيها حديث عام أي un ظاهر أي tu peux comprendre telle chose et autre. فالنص الخاص في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان نعم هكذا مسكتان بفتح الميم والسين والكاف غليظتان مسكتان أي سواران أي دي بغسلة من الحلي en or. Donc cette fille, elle avait des bracelets autour de son poignet. غليظتان من ذهب en or. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الزكاة عنهما حيث توعدها بالنار إذا لم تؤدي الزكاة. الحديث كما في الحاشية في سنن النسائي كذلك في سنن أبي داود. الإمام الألباني رحمه الله إلا حسن. Donc tu as ce dalil, il est clair. أن النبي صلى الله عليه وسلم, il a montré à cette femme qu'il fallait sortir al-zaka sur les bijoux. Et ça, c'est une mas'ala khilafiyya entre ahlul ilm. Est-ce que la femme, elle doit sortir al-zaka si elle a des bijoux en or qu'elle porte? On ne parle pas de l'or qui est stocké, il a akhiré. Là, les bijoux que la femme, elle porte, est-ce qu'elle doit sortir al-zaka amla? Ce hadith, il montre clairement que c'est une obligation. Falihada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam tawa'adaha bin nar. Et si elle ne sort pas zaka, elle risque le feu. Donc ça montre que c'est une obligation. Est-ce que le hadith il est sahih amla? Ça, c'est un autre point. Al-Imam al-Albani, rahimahullah, il l'a hassan. Et comme taqaddam ma'ana, on cite, ou on lit plutôt ces exemples, nahnu, sans détailler et citer at-tarjih min hayth al-fiqh. On n'est pas dans le dars de fiqh. Cette mas'ala pour savoir al-khilaf. Et c'est quoi le qawl qui est juste? Est-ce qu'on doit sortir zakat amla dans ce cas? C'est un autre sujet qu'on détaillera pas. On a l'essentiel, c'est de comprendre al-hukm. Même si le hadith est da'if, même si on choisit dans certains cas un autre avis que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, al-amr sahl. C'est un livre de usul. L'essentiel, c'est de comprendre la règle. Et il y a plusieurs exemples. Rubama, on essaiera d'en citer un autre. S'il y a un peu de temps, inshallah. Qal wa nassu al-am. قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيكون بها أو فيكوى بها جنبه ونعم وجبينه وظهره نعم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره زي ما ركيك سحديد سبستي الحلي. C'est cité Sahib Dhahab, et celui qui a de l'or. Est-ce que ça implique, ou plutôt, est-ce que ça englobe les bijoux Amla al-Ulama khtalafu? قال عندما نستدل لإثبات الحكم في هذه المسألة نبدأ بالخاص لأنه نص في الموضوع هنا نص بشخص الحديث لصحيح. قال إذ إن العام يمكن للمعارض أن يقول خرج من عمومه كذا وكذا، لكن النص الذي يخص هذا الشيء بعينه لا يمكن المنازع فيه إلا في ثبوته إذا كان يمكن النزاع في ثبوته. Donc dans ce cas, on a hadith un nass, أي نص sur les bijoux. Aïe, on a une précision claire, les bijoux ils sont cités dans le hadith. L'autre hadith, on a l'or. Est-ce que ça englobe les bijoux amla? C'est une autre question. Dans ce cas, l'échec qu'on fait passer, le hadith qui est clair et qui est précis et qui cite la mas'ala qu'on recherche. Bah, il y a une chose, c'est est-ce que le hadith il est sahih? S'il est sahih, alhamdulillah, on doit le prendre. S'il n'est pas sahih, c'est autre chose. S'il n'est pas sahih, l'échec, on ne va pas baser un hukm sur un hadith dhaïf. C'est pour ça que هذه المسألة y a un khilaf kabir. Les nabards de l'ulama, ils ont dha'af ce hadith. Et le premier. Ils l'ont dha'af. Et al-muhim, c'est une mas'ala assez vaste. Ou alladhi yadhar, wallahu a'lam, c'est que la femme, elle doit sortir un zakat sur ses bijoux. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il a une risala fi hada. Il a écrit un livre, ou une petite risala sur zakat al-huli. On peut citer un autre exemple. قول الله سبحانه وتعالى. Cet exemple n'est pas cité في كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. بعض الأصوليين اللي السيت قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فالظاهر de ce verset أنه c'est permis de manger, boire ce que l'insan veut. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. أي, tu as le droit de manger ce que tu veux. Donc, هذا c'est un hadith al-zahir. Tu comprends quoi de al-zahir? En apparent, tu as le droit de manger ce que tu veux. On a un autre dalil. Allah subhanahu wa ta'ala يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ce hadith, c'est un nas, ou plutôt ce verset, c'est un nas. Anna, l'alcool, c'est interdit. Al-khamr. Donc, on a deux versets. Un hadith zahir qui nous montre, ou plutôt deux versets, na'am. Une ayah zahira qui nous montre anna, al-insan a le droit de manger ce qu'il veut. Et on a une autre ayah, un nas qui montre que l'alcool, c'est interdit. Al-khamr. Ben, là, chaque année, on fait passer le nas avant al-zahir. Et là, ce deuxième exemple, il est plus simple que l'exemple qu'on a lu min kalam Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi. Thumma, deuxième étape, on a fini un nas avec al-zahir, donc on fait passer un nas avant al-zahir. Vous avez remarqué que un nas ou al-zahir, ça ressemble au khas et au am. Le khas en général, c'est spécifier une chose qu'il n'y a pas dans le am. Le am, c'est plus global. Un nas al-zahir, ça ressemble au khas al-am. Bel Cheikh Ibn Uthaymeen dans son charh, il a appelé هذا النص هذا خاص et هذا عام. Un nass العام et l'autre il l'a appelé خاص. فهذا انتهينا. الحمد لله تقدمت معنا هذه المسألة dans الخاص والعام. Deuxième étape ou deuxième point plutôt. الظاهر على المؤول. On fait passer الظاهر avant المؤول. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الظاهر الذي يدل على الشيء دلالة ظاهرة comme on a vu les exemples précédemment. المؤول يدل عليه بتأويل. المؤول ça vient du mot تأويل. أي الدلالة elle est dans l'explication. واحد مثلا il a un texte et il l'interprète. Alors que الظاهر tu n'interprètes pas. Tu laisses le texte en apparence. المثال قال فمثلا. Donc on fait passer الظاهر. On laisse le texte en apparence. On fait passer l'apparence du texte avant l'interprétation de ce texte. فمثلا لو قلنا si on dit on cite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam لا نكح إلا بولي ظاهره أن الولي شرط لصحة النكاح. Ce hadith لا نكح إلا بولي أي pas de contrat de mariage que s'il y a un wali. أي l'acte de mariage n'est pas valide si cette femme elle n'a pas de tuteur. Tu comprends ماذا الظاهر c'est que كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله Al-Wali, c'est un short, les sohat nikah. C'est une condition. Et s'il n'y a pas de condition, il n'y a pas de contrat de mariage. S'il n'y a pas de wali, il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de contrat de mariage. Qal fa idha qala qa'il. La nikah kamil illa bi wali. Wahed, il interprète. Il dit, la nikah, ay, il rajoute une interprétation de sa part, kamil. Ay, tu peux comprendre, c'est mieux. La nikah, ça ne veut pas dire que si une femme, elle se marie sans tuteur, son contrat de mariage, il est invalide. Là, il interprète et il dit, c'est mieux. Ay, min bab al-kamal. Amma, si elle n'a pas, ça reste quand même valide. Est-ce que on va prendre cette interprétation et on va laisser Zahir al-Hadith? قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال إن هذا نفي للكمال فهذا خلاف خلاف الظاهر وهو المؤول فنقدم الظاهر على المؤول وهذا في كيفية الاستدلال dans ce cas on reste على الظاهر لماذا لأن أين الدليل qui prouve que المراد c'était الكمال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح on reste sur l'apparence il n'y a pas de nikah mais celui qui dit il n'y a pas de nikah كامل ça veut dire parfait, si on peut dire parfait ou meilleur. Il faut une preuve. C'est pour ça que ce bab il est important. Si on ouvre le bab à hada, et il fait l'interprétation qu'il veut. Le haram, il va dire c'est mieux de le délaisser. Il va plus dire c'est haram, c'est une interdiction. Il va faire une interprétation. Les obligations, il va dire c'est mieux. Celui qui ne l'a fait pas, ça reste quand même. Et ça ne lui fait pas de mal à sa foi. Il a. C'est bien sûr des portes ouvertes très très graves. ثم قال رحمه الله. Cet exemple il est واضح. On n'a pas besoin d'ajouter un autre. قوله والمنطوق على المفهوم. المنطوق على المفهوم. Tu fais passer المنطوق avant le مفهوم. المنطوق ça vient de نطق. النطق. Une chose qui est prononcée. المفهوم c'est ça vient de le فهم, la compréhension. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi قال dans son sharh al-mantuq ma dalla alayhi al-lafd fi mahall an-nutq wal-mafhum ma dalla alayhi al-lafd la fi mahall an-nutq. نعم مثلا on peut citer un exemple tout simple. واحد dit Muhammad il est parti dans telle ville, il a voyagé. Muhammad il a voyagé, tu comprends ماذا min hayth al-mantuq, tu comprends que Mohamed il a voyagé. Min hayth al-mafhoum, tu comprends quoi? Tu comprends que Mohamed il est pas résident. Mafhoum, enfin le mantouq, c'est ce que tu comprends des mots de cette phrase, et al-mafhoum, c'est la compréhension. Est-ce que quand on dit Mohamed, il a voyagé, est-ce qu'on a parlé de résident? On n'a pas compris de résident. Lakin al-mafhoum, c'est hada. Là, il n'y a aucun doute. C'est logique, s'il a voyagé, il n'est pas résident. Il ne peut pas être résident et voyager en même temps. Hada. On peut citer un mithal assez simple. قوله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. Qu'est-ce que tu comprends من هذه الآية المنطوق أن الخيل أي les chevaux والبغال والحمير أي toutes ces bêtes, que ce soit des mules, que ce soit des ânes, que ce soit des chevaux, لِتَرْكَبُوهَا. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés pour que ça nous serve de monture. Et parmi les sagesses, c'est que ça nous serve de monture. وَزِينَ. Et كَدَلِكَ c'est مِنْ بَابَ الزِينَ. Maintenant, les chevaux, c'est un animal, c'est des animaux très très beaux, et là, أَخَرَ. Enfin, c'est une zina. C'est pour ça que بعض الناس يتنافسون في هذا. بعض الناس, خاصة من الأثرياء, des personnes riches, elles aiment, beaucoup de personnes riches, elles aiment acheter des chevaux, il a acheté des mêmes, comme certains, ils aiment les beaux vêtements, etc. Falmefou, qu'est-ce que tu peux comprendre? Anna, vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ces animaux, et ça nous sert de monture, et kadalik mimbab zina, wahed, tu peux comprendre, donc manger ces animaux, c'est haram. Vous avez remarqué, al-mantouq, c'est une chose et al-mafhoum, c'est une autre. Al-mantouq, c'est les montures, ça nous sert de monture. Est-ce qu'on peut comprendre, vu que ça nous sert de monture, donc c'est haram de manger ces bêtes? Hada, c'est autre chose. On a un hadith, an nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith Jabir, an nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal yawma khaybar, nahana anil bighal, wal hamir, ولم ينهنا عن الخيل، أي من حيث الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر il aura interdit de manger البغال والحمير، البغال والحمير، et il aura autorisé الخيل، أي c'est autorisé de manger de la viande de cheval. C'est halal dans notre dîn. Et on a un autre hadith, hadith Asma, رضي الله تعالى عنها، elle a informé أنهم نحروا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم. Ils ont sacrifié un cheval à l'époque du prophète Aïssa et ils l'ont mangé. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'aura pas interdit. Ça serait interdit, la révélation elle serait descendue. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait montré à Nahou, c'est interdit. Et on a un autre hadith, hadith Jabir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'aura pas interdit al-khayl. Donc, on revient à la règle. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, on fait passer al-mantouq avant le mafhoum. Al-mafhoum, c'est le verset. Wal-khayl, wal-bighal, wal-hamir, li tarkabouha wazina. Al-Mantouq, c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas interdit la viande de cheval. Donc, si Wahid demande, est-ce que la viande de cheval c'est permis? On lui dit, c'est permis. Si il nous cite le verset, là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé, c'est pour qu'on s'en serve comme monture, et kadalik, c'est mimbab az-zina. On lui dit, hada, c'est Mantouq l'aya. Ça ne veut pas dire, tu ne peux pas comprendre, Anna, c'est interdit de manger, là. Ça peut servir de monture, kadalik, mimbab az-zina, et kadalik. Celui qui mange, il n'a pas commis de péché. Bien sûr, il faut sacrifier au nom d'Allah, azzawajal, etc. Hada, mithal, al-mantouq ala al-mafhoum. Thumma qala, al-muthbit ala al-nafi. Al-muthbit, ça vient de l'ithbat. Ou al-nafi, ça vient de al-nafi. Al-muthbit, c'est celui qui affirme une chose. Et al-nafi, c'est celui qui nie une chose. On fait penser al-muthbit avant al-Nafi. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأن المثبت معه زيادة علم والنافي قد ينفي الشيء لعدم علمه. لأن celui qui informe d'une chose c'est qu'il a du علم. Et celui qui nie peut-être il nie parce qu'il ne sait pas, il n'a pas eu l'information que telle chose il fallait la faire. قال لا لأنه شاهد لا لأنه شاهد عدمه والمثبت يثبت لعلمه بوقوع الشيء ولهذا نقول نقدم المثبت على النافي. Il a cité des exemples. Et il y a beaucoup d'exemples في هذا. قال رحمة الله عليه ومنها ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في صيام عشر ذي الحجة حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا أحدهما فيه نفيا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصومها والثاني فيه إثبات أنه يصومها. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله بالحديث المثبت وقال إنه مثبت والمثبت مقدم على النافي. نعم. فبعض الصحابة ils ont informé أن النبي صلى الله عليه وسلم il n'a pas jeûné les 10 jours de ذوالحجة et d'autres ils ont informé que le Nabi صلى الله عليه وسلم il les jeûne. L'imam Ahmed رحمه الله il a choisi de prendre ceux qui ont informé que le Nabi صلى الله عليه وسلم il jeûne. لماذا؟ لأنهم ils avaient un علم en plus. Et هنا لا يشكل علينا أن الصحابة c'est tous des personnes de confiance. لكن الصحابي peut informer d'une chose. مثلا il dit النبي صلى الله عليه وسلم il n'a jamais fait telle chose. Pour lui il n'a jamais vu donc il n'a jamais fait. Un autre il nous dit النبي صلى الله عليه وسلم il a fait. Donc les deux ils sont véridiques et les deux c'est des personnes de confiance. لكن كل واحد il est informé par rapport à ce qu'il savait. Donc on prend celui qui a du علم en plus. C'est pour ça que l'imam Ahmed il a choisi هذا القول. Un autre mythal, كذلك on peut prendre هنا رواية بلال رضي الله عنه بإثبات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة على من نفاها. Certains compagnons ils ont informé que le Nabi صلى الله عليه وسلم il n'a jamais fait الصلاة à l'intérieur de الكعبة. بلال رضي الله عنه il a informé, il était avec lui, أن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الصلاة à l'intérieur de الكعبة. Ceux qui ont informé par rapport à leur connaissance. Et Bilal, radiyallahu anhu, il avait ziyadatu ilm fi dhalik. Donc, on accepte la chèque son qawl. Wa hakadha hadith anna nabi sallallahu alayhi wa sallam bala qa'iman. Est-ce que nabi sallallahu alayhi wa sallam il a déjà uriné debout? Qalat Aisha, radiyallahu anha, ma bala rasul sallallahu alayhi wa sallam qa'iman qat. Al hadith, il est sahih. Il est fi musnad al-imam Ahmed. الشيخ الألباني رحمة الله عليه لا صحح كما في الصحيحة Hadith numéro 201, pour celui qui veut la référence. Aïcha radiallahu anha l'a informé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais uriné debout. Pourquoi ? Parce que Aïcha radiallahu anha, bien sûr, c'était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle connaissait son hal quand il était à la maison, il urinait assis alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Hudhayfa radiallahu anha, قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما الحديث إلى في صحيح البخاري donc il est authentique, il n'y a aucun doute. Donc Hudhayfa رضي الله عنه il a informé أن il a vu النبي صلى الله عليه وسلم uriner debout. لماذا؟ لأن Hudhayfa رضي الله عنه il voyage avec النبي صلى الله عليه وسلم pour le jihad et autres. Et là chaque en voyage l'insan sa situation c'est pas comme quand il est chez lui. Donc, les ulama قالوا انه c'est permis. Lakin, le mieux, c'est d'uriner assis. Et on a une précision, elle m'a uriné debout dans un endroit où l'urine, elle peut revenir et toucher les vêtements ou les jambes de l'insan qui urine debout. Fait هذا الحال لا يجوز. لماذا لأن النجاسة elle va le toucher. Amma dans un endroit où il urine debout et l'urine, elle revient pas sur lui, enfin, dans ce cas, c'est permis. Donc, vous avez remarqué que les deux hadiths sont sahih. Aïcha l'a informé, radiyallahu anha, par rapport à ses connaissances. Hudhayfa, radiyallahu anhu, il a informé d'une chose qu'il a vue. Donc, dans ce cas, il y a une contradiction en apparence. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas uriné debout. Et dans un autre hadith, il a uriné debout. Dans ce cas, tu prends al-muthbit. Avec ce mithal, c'est wadih l'importance de ce genre de règles. Thumma, qala, wa naqil anil asl, ala al-mubqi alayhi. Ça ressemble au cas précédent. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني إذا وجد دليلان أحدهما مبق على الأصل والثاني ناقل قدم الناقل عن الأصل لأن الذي دل على الأصل بنى على أصل وهو الوجود وذلك دل على شيء ناقل عن الأصل فمعه زيادة علم. Donc si واحد il informe d'une chose un asl, et la base c'est kada. Et un autre, il informe d'une chose qui sort de ce asl, donc il a un ilm en plus. Donc dans ce cas-là, on prend celui qui a du ilm en plus. تقدم معنا حديث من مس ذكره فليتوضأ. Celui qui touche ses parties, il doit refaire l'eau. مع حديث إنما هو بضعة منك. إنما هو بضعة منك, c'est l'asl. C'est la base. L'insan, il a des parties. فالأول قوله من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الأصل. C'est du ilm en plus. Et on sort de la base, du asl. فالإنسان, il a des parties. C'est tout à fait normal. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que celui qui touche ses parties doit refaire l'wudu. كثير من العلماء, ils ont dit que ce hadith, il passe avant l'autre. Et bien sûr, d'autres ulama, ils disent que le hadith إنما هو بضعة منك فيه ضعف. لكن on le prend فقط en exemple pour te montrer l'asl et النقل عن الأصل. Le fait d'avoir une base et de sortir de cette base. وإلا فسيت مسألة كذلك il y a un خلاف طويل. Le hadith, un des deux hadiths, il est plus صحيح que l'autre, donc revenir à ce hadith c'est أفضل. ثم قال والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. هذا تقدم معنا. Tu as deux hadiths عام. Deux hadiths général. لكن bien sûr si on a un hadith عام, un hadith خاص, تقدم معنا ان le خاص, le hadith spécifique, il passe avant le hadith عام. وهكذا pour les versets du Coran. لكن هنا on a deux عام. Une généralité. Comment faire? Cheikh Ibn Uthaymeen قال العام المحفوظ هو الذي لم يخصص على غيره أو على غير المحفوظ. Tu fais passer العام المحفوظ. لأن les généralités, hadith عام, il peut être spécifié par certaines choses. فسي tu as deux hadith عام, tu regardes celui qui est محفوظ et qui est moins spécifié que l'autre. S'il n'est pas spécifié du tout, au moins que l'autre, tu fais passer. Pourquoi? Parce qu'il est محفوظ. Il a été préservé. Il n'a pas été spécifié par autre chose, donc il est plus fort. Donc il passe avant. On avait cité l'exemple de As-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma al-jumu'ah, pendant que al-khatib il fait le khutbah. On a deux généralités. Une généralité qu'on ne doit pas parler pendant le khutbah. Une autre généralité, quand on entend le nom du prophète, on doit dire sallallahu alayhi wa sallam. Comment faire? Yawm al-Jumu'ah, quand le khatib il fait la khutbah, quand tu es au masjid, est-ce que quand tu dis le nom du prophète, tu dis sallallahu alayhi wa sallam, amla? Est-ce que tu appliques le hadith, il faut faire salat sur le prophète, alayhi wa sallam, ou tu appliques l'autre hadith, il faut se taire? Fi hadha al-hal, tu regardes, c'est lequel des deux qui est le plus fort, min hayth al-umum, ay qui est mahfoud. Enfin, si tu analyses, tu verras que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant le khutbah, il y a des compagnons, radiallahu anhum, qui ont déjà parlé. Mathalan, le compagnon qui est venu voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il faisait le khutbah et il lui a dit Ya Rasulallah, ud'ullah lana. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'était la khutbah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait le khutbah, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Et ils avaient été touchés par la sécheresse. Ah, là, ça montre que la globalité, elle a été spécifiée. Kadhalik, l'ulama yaqouloun, annasil khatib, il a besoin d'être informé d'une chose, fayajouz de parler. Mathalan, al-khatib, il a un problème niveau micro. Ça arrive à notre époque. Thumma, ahad al-musallin, il a de la khibra, et al-khatib, il lui demande. Il lui demande comment faire, et wahad, il se lève et il lui parle. S'il peut. S'il peut ne pas parler, ahsan. Lakin, s'il n'a pas le choix, il parle, il y a djouz. Kadhalika al-ulama yaqulun, idha akhta'a al-khatib dans un verset, où il se rappelle plus d'un verset et il a du mal à le réciter pendant la khutbah, ahadu al-hadirin, dans ce cas, yiftah alayh. Il lui cite au moins le début, hatta il se rappelle. Hadha salom entendu, cette généralité, le fait de ne pas parler pendant la khutbah, dans certains cas, c'est permis. Amma, on revient à la généralité. Quand tu entends le nom du prophète, tu dois faire salat sur lui. Est-ce qu'on a un cas qui spécifie hada? Non. Voilà. Même si on a un cas, ça sera beaucoup moins que les cas de la généralité de ne pas parler pendant le khutbah. Wallahu ta'ala a'lam. Fahada qawluhu al-'am al-mahfouz 'ala ghayr al-mahfouz. Donc tu regardes, c'est laquelle la généralité qui est la plus forte et qui a été le moins spécifiée. Et on avait cité d'autres exemples dans ce dars, ou un autre exemple. Qawluhu, un autre cas, ma kanat sifat al-qabul fihi akthar 'ala ma duna. Ay, si tu as deux hadiths. مثلا on prend l'exemple de التشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد الصحابه رضي الله عنهم قالوا انه يفز التشهد يبوجي لو دوا بعض الصحابه رضي الله عنهم ils ont rapporté al hadith ou plutôt quand on dit sahaba c'est plutôt ceux qui sont venus après eux des narrateurs dans la chaîne de transmission ils ont rapporté le hadith ان النبي صلى الله عليه وسلم يبوجي لو دوا d'autres rapporteurs ils ont rapporté le hadith des hadiths, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il bougeait pas le doigt. Enfin, on a un ta'arud. Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il bougeait le doigt? Amla. C'est pour ça qu'il y a un khilaf fi hadhihi al-mas'ala. Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, fil jami' al-sahih, dans son livre, quand il a cité Dalil al-Ishara, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pointait du doigt, il ne le bougeait pas, il a cité cette mas'ala. Et il a démontré, un à ceux, les rapporteurs, qui ont montré, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il bougeait pas le doigt, ils étaient plus nombreux. Et kadhalik, ils avaient plus de mémorisation que ceux qui ont Khalif. Et parmi ceux qui ont Khalif, le rapporteur qui a Khalif, c'est Zaïda ibn Qudama, rahmatullah alayhi. Il a ajouté à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il bougeait le doigt. Les autres, et les autres, il y a Shu'ba, il y a Soufiane, il y a d'autres, des grands imams de la Sunna. Et là, ceux qui passent avant Zaïda, dans Al-Hifd ou dans l'Itqal, ils n'ont pas cité cet ajout. ففي هذا الحال on répète كلام شيخ ابن عثيمين ما كانت صفة القبول فيه أكثر على ما دونه. Dans ce cas, tu choisis le hadith qui est le plus fort au niveau de l'authenticité. Et il passe avant l'autre. Ce qu'on appelle le hadith al-shad. Bien sûr que tu fais passer le hadith qui n'est pas shad, qui n'est pas mu'al. S'il y a une illa, un défaut, ou shad, al-shudud, c'est qu'un rapporteur, il khalif les autres. Imma, ils sont plus nombreux que lui. Imma, ils ont plus de hifd que lui. Ça s'appelle al-shad. Comme on a détaillé, walillahi alhamd, dans nos durus de al-mustalah. Hada, c'est mujarrad, un exemple, et il y en a d'autres. Qala, Ce cas, on l'a vu il y a quelques jours, wallahi alhamd, ensemble. Hadith Maymouna, radiyallahu anha. Anha l'a informé un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec elle et il était halal. Ah, il n'était pas en état d'ihram. Ibn Abbas, radiyallahu anhum, il a informé un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Maymouna en état d'ihram. Dans ce cas, comment on fait? On fait passer Sahib al-Qissa. Sahib al-Qissa, c'est celui qui a vécu cette situation. Donc là, chacun a, dans ce cas, on va prendre la version, la narration de Maymouna, radiyallahu anha. Pourquoi? Parce que c'est la femme du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et elle sait mieux quand est-ce qu'elle s'est mariée. Et alhamdulillah. قال ويقدم أو ويقدم من الإجماع القطعي على الظني. الظني c'est moins fort que القطعي. القطعي on a aucun doute. الظني c'est pas sûr. Là chacun a tu fais passer الإجماع qui est le plus fort. Le plus fort on a c'est في اليقين. Et on est sûr que ce إجماع il est authentique. On a deux إجماع qui se contredisent. Les savants ils disent l'unanimité telle chose. Wahed nous rapporte un autre ijma, l'unanimité telle chose, ça contredit la première unanimité. On regarde, c'est laquelle la plus forte. Si la première unanimité, tous les savants ils sont d'accord. L'autre unanimité qui a été rapportée, certains savants, matalan, al-imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il remet en doute cet ijma. Thumma tu recherches al-imam Shawkani, met en doute cet ijma. Là, chaque que tu fais passer, celui où il n'y a aucun doute. Qala, wa yuqaddam min al-qiyas al-jali ala al-khafi. Le dernier cas, anna quand tu as deux qiyas qui se contredisent, bab al-qiyas on l'a vu il n'y a pas longtemps, wallahi alhamd, enfin tu fais passer al-qiyas al-jali. Al-jali huwa alladhi al-illa mansous 'alayha. Al-illa mansous 'alayha. Al-illa c'est la cause de cette interdiction مثلا. On la connaît. Donc pour faire le qiyas, c'est très très simple. Si une chose elle lui ressemble, ça a le même jugement comme taqaddam. Al-qiyas al-khafi c'est al-illa elle est pas connue. Elle est khafiya. ففي هذا الحال لا شك tu fais passer le qiyas dont la illa elle est connue par rapport au qiyas dont la illa elle n'est pas connue والله تعالى اعلم. فهذا الباب il est مهم جدا. Ça nous montre l'importance de connaître les preuves, l'importance de les mémoriser si possible, كذلك l'importance de l'istidlal, mettre la preuve à sa place, كذلك l'importance quand il y a un ta'arud en apparence, une contradiction en apparence, de revenir à ahlul ilm et d'appliquer les règles de usul. ما بالك سي واحد مثلا يبرك ان دليل كي برك ان دليل فلا شك انه يبا بازي سون جوجمون سور سولا alors qu'il y a un autre dalil qui montre l'inverse et qui passe avant par rapport au cas qu'on a cité. هذا سا نمونتر لامبورطونس دو طلب العلم خاصه تعلمون ان باب الفقه لي واسع. Si tu veux étudier le fiqh du début à la fin, خاصه en détail, ça prend des années. C'est pour ça que طالب العلم doit étudier اولا ses outils. Un livre dans l'usul, مثلا ce livre qu'on a étudié ensemble, wallahi alhamd, كذلك un livre dans le qawa'id, et ça sera notre prochain dars. Inch'Allah, après l'usul min ilm l'usul, on essaiera d'étudier le qawa'id al-fiqhiyya de Cheikh Sa'di, rahmatullah alayhi. كذلك, il étudie un matn mukhtasar. Au début, tu n'as pas besoin de détailler. Un matn mukhtasar. Durar al-bahiyya, ou umdat al-ahkam, ou autre. Mouhim, un matn mukhtasar. ثم قليلا يتوسع avec هذا التوسع avec ces règles avec la mémorisation au bout de quelques années beaucoup de مسائل il les comprendra et connaîtra le jugement. اما المصيبه qu'on vit à notre époque ان بعض الناس لا يطلبون العلم. Et qu'est-ce qu'ils font pour connaître l'ahkam? Ils se basent sur مجرد des fatwas. مثلا tel cheikh il a dit telle chose c'est permis sans connaître le délit. Et à notre époque, ils font des copier-coller et ils envoient un tel, ils font le hukm sur ça. Si wahed il les khalif, ou le jour où ils entendent un autre avis, ils ne savent plus comment faire. Les ma'ala, les anahum, ils n'ont pas étudié l'ilm. Khasatan dans al-masa'il al-khilafiyya. Et ça implique des choses graves. Ba'd al-nas, ahyanan le khilaf, il est wasi' et il est sa'ir. Si on prend l'exemple qu'on a cité, le fait de bouger le doigt pendant le tashahoud. Al-ulama yaqulun al-amr sahl. L'essentiel, est-ce que le hadith il passe, est-ce que le hadith il est acceptable le fait que le doigt il bouge amla, alors que le hadith il ne faut pas oublier il est sahih muslim et sahih muslim la base c'est qu'il est sahih sauf certains mots, les ulama ikhtalafou مثلا ce mot, c'est هذه اللفظه le fait de bouger L'A'imma, ils ont dit là, cet ajout, même s'il est sahih muslim, on ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que ce narrateur, il a contredit des autres. Lakin, kathir min al-ulama, ils ont accepté, il est sahih muslim. Donc, ce genre de khilaf, est-ce que ça doit nous pousser à se faire le hajj? À ne pas accepter la parole de l'autre, à le rejeter? Abadan. Ce genre de khilaf, on étudie. Thumma, ton frère, il a pris un autre avis que le tien. Alhamdulillah, tant que c'est fait bi'ilm, au contraire, tu dois l'encourager. On ne doit pas avoir cette habitude, là, tout le monde doit nous suivre. L'avis que j'ai choisi, c'est forcément le bon. Si quelqu'un prend un autre avis, c'est qu'il s'est trompé, c'est que c'est un égaré. C'est à cause de l'ignorance. C'est pour ça que l'ulama khtalafu kathiran fi bab al-fiqh, et alhamdulillah, c'était des frères. Et ils appelaient à l'entraide, etc. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadat. Et on passe à notre deuxième dars, inshallah ta'ala.